Malatesta, le chef des chahuteurs, est justement parti d'hier. Je cherche de tous côtés d'autres complices. Je jette sur la foule des camarades le regard creux du capitaine. Je fais des ouvertures à plusieurs. Ils hésitent. Les uns disent qu'ils ne s'ennuient pas à la maison, qu'ils s'amusent beaucoup au contraire, que leur père rigole avec eux. Je ne trouverai donc personne qui veuille s'enfuir avec moi. Ricard, ils ont 9 enfants. On les fouette à outrance. Quel bonheur. Je tâte Ricard. Quand je dis je tâte, je parle au figuré. Il me défend de le tâter. Il a trop mal aux côtes. Il est sale comme un peigne. Il m'explique que c'est parce qu'ils sont sales que leur mère les bat. Mais elle est diablement sale aussi, elle. Il n'y en a qu'un à la famille qui soit bien sage qui ne jure pas. C'est celui qui est en classe avec moi. On le bat tout de même. Pourquoi donc? Parce qu'il ne faut pas faire de préférence dans les familles. C'est toujours de mauvais effets. Les autres pourraient s'en plaindre. Il a encore une faiblesse, qui n'a pas les siennes. Il pisse au lit. Voilà le secret de sa misère. Pourquoi il est triste? Pourquoi sa mère crie toujours qu'elle va lui enlever la peau de ceci, la peau de cela? Et ses parents ont l'air de croire que c'est pour s'amuser, parce qu'il y trouve du plaisir, que c'est par coquetterie ou défi, un jeu ou une menace, un mouvement de désœuvré. Le malheureux fait pourtant ce qu'il peut. Ce qu'il fait ne sert à rien. Il se réveille dans le crime et on est obligé de mettre ses draps à la fenêtre tous les matins. On lui procure cette honte. Tout le monde sait sa faute. Je le décide. Il fera son hamac lui-même à bord du navire. Si je parlais aussi à Vidal Jean, c'est le fils d'un rat de cave. Il reçoit comme moi des roulés à tout casser. Encore un qui voudrait être ce que son père ne voudrait pas qu'il fût. Il voudrait être escamoteur, prestidigitateur. Il se plaisait à faire de la serrurerie sournoise et à passer ses mains entre les fentes. Il volait les cahiers de punition et les listes de places dans la poche des maîtres. Il avait une fois subtilisé le portefeuille d'un professeur et les secrets de M. Bauquin avaient été à la merci des moutards pendant 8 jours. Le pauvre Bauquin en avait manqué un mariage et failli perdre sa place. Je lui offris d'être mon lieutenant. Il accepta. Ricard aussi. Mais, au jour fixé, le drapeau flotte à la fenêtre de Ricard. Il me jette par cette fenêtre un papier, un peu humide, qui me donne de douloureux détails. Il a été criminel plus que de coutume, et on l'a battu plus que jamais. Il ne peut pas se traîner. Et Vidal Jean, il n'est pas au rendez-vous. Les élèves arrivent l'un après l'autre, la cloche sonne, on entre. Il n'est pas là. Que s'est-il passé? Je vais du côté de sa maison, en me cachant. Je rencontre des commères qui racontent que le quartier a failli sauter et le fils Vidal Jean avec. Il a laissé tomber une allumette sur une écuelle où il faisait de la poudre. C'est un petit vaurien qui lui avait donné, mis ça dans la tête. Le petit de cette dame qui marchande toujours, vous savez, et qui a son châle collé sur le dos comme une limande. 20 trous, 20 rats. On doit être en train de le chercher. J'espère qu'on le fichera en prison. Mais le voilà, je le reconnais, crie une commère qui m'aperçoit tout d'un coup dans le coin où j'étais courbé et d'où j'essayais de filer. On s'empare de moi. On me ramène à la maison. Ma mère m'en donna une volée. Elle ne s'arrêta que quand j'eus promis sur tous les saints du paradis de ne plus m'échapper. Et Vidal Jean, il guérit et ne fit plus de poudre. Et Ricard est né. La peur qu'il eut en apprenant l'accident de Vidal Jean lui fit une révolution et il ne pissa plus au lit. C'est toujours ça.